Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, troisième épisode de notre traversée de la décennie 34-44, Jean Moulin et l'unification de la résistance française. À l'été 1940, malheur aux vaincus, le gouvernement français est en fuite et le Parlement, hébété, finit par octroyer les pleins pouvoirs à un sauveur illusoire, le maréchal Pétain, octogénaire réactionnaire, héros de la Première Guerre mondiale. Quelques jours auparavant, un armistice a été signé. La France entre alors dans la nuit de l'occupation et pire, dans les ténèbres de la collaboration avec l'Allemagne nazie. Mais c'était sans compter sur les résistants. Communistes, catholiques, nationalistes, socialistes, ils viennent de tous les horizons. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, une fois le territoire national libéré, c'est ensemble qu'ils vont remettre la démocratie en selle sans affrontement. Ce mariage du courage et de l'intelligence, c'est l'œuvre du général de Gaulle et de Jean Moulin, préfet rebelle comme son mentor. Il est appelé à devenir, dans l'ombre, l'unificateur et le chef de cette résistance. Rien de moins. Notre invité aujourd'hui, Olivier Vievorka, professeur à l'école normale supérieure Paris-Saclay. Il est l'un des grands spécialistes de la Seconde Guerre mondiale, auteur d'une très complète histoire de la résistance chez Perrin en 2018. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA et les archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe. Récit documentaire Jean-Marie Barrère, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Le 19 décembre 1964, 20 ans après que son sol a été libéré de l'occupation nazie, la France accompagne au Panthéon l'un des héros les plus sublimes et les plus tragiques de son histoire. Tout ce que la résistance compte de survivants illustres et d'anonymes vient rendre hommage à celui qui fut son chef. À celui aussi qui, après être tombé aux mains des nazis en juin 1943, trouva le courage de succomber sans un mot, emportant avec lui ses immenses secrets. Pauvre roi supplicié des ombres, regarde ton peuple d'ombre se lever dans la nuit de juin constellé de tortures. Voici le fracas des chars allemands qui remontent vers la Normandie à travers les longues plaintes des bestiaux réveillés. Grâce à toi, les chars n'arriveront pas à temps. Tant que l'écrivain résistant et ministre André Malraux entame un discours promis à la postérité, tant sur le fond que sur la forme, on ne peut manquer d'apercevoir la silhouette figée et solennelle du général de Gaulle, alors président de la République. Face au catafalque drapé de rouge qui domine la fouille recueillie, sans doute le général convoque-t-il dans ses pensées le souvenir de ce jour d'automne où il rencontra Jean Moulin. Londres, 25 octobre 1941. Voilà plus d'un an que le général de Gaulle a décidé de s'exiler en Angleterre. Il s'oppose à Pétain, qui a signé l'armistice avec les Allemands, et lui a créé la France libre, un embryon d'État qui entend maintenir la France dans la guerre. Mais le général rebelle doit admettre que la situation n'est pas brillante. Partout, l'Allemagne nazie a conquis l'Europe. En France, elle occupe la moitié nord, tandis qu'à Vichy, le gouvernement du vieux maréchal dirige la moitié sud. Pour résister, de Gaulle n'a qu'une petite armée de 7000 hommes qui dépend pour beaucoup de son allié britannique avec lequel les relations ne sont pas toujours faciles. Quant à peser sur la situation politique, de Gaulle ne peut guère compter que sur les courtes allocutions radio que lui accorde parcimonieusement la BBC et au cours desquelles il s'échine à convaincre les Français de le suivre. La masse française est unie en réalité sur trois impératifs que voici. Premièrement, l'ennemi est l'ennemi. Deuxièmement, le salut de la patrie n'est que dans la victoire. Troisièmement, c'est dans la France combattante que toute la France doit se rassembler. Coupé du sol natal, le général de Gaulle a une vision trouble de la situation en France. Parce que, après tout, que pensent réellement les Français? Écoutent-ils ces messages? Un brouillard que n'arrive pas encore à dissiper les missions clandestines organisées par les services secrets de la France libre. Aussi, lorsque leur chef, le jeune colonel Passy, vient annoncer à De Gaulle la présence d'un émissaire de la résistance intérieure, celui-ci accepte de le recevoir. D'autant que, Selon Passy, il serait porteur d'un précieux rapport de 9 pages sur les formes de résistance qui apparaissent en France. Ce contact pourrait être une aubaine, car ce qui donne de la valeur à la France libre aux yeux des Anglais, c'est sa capacité à transmettre des renseignements venus de France où les Britanniques ont peu d'agents, d'où l'aide qu'ils lui apportent. Mais d'abord, que sait-on de cet émissaire qu'on veut présenter à De Gaulle? Bien entendu, les hommes de Passy l'ont briefé. On lui apprend qu'à Lisbonne, son escale précédente, l'homme s'est présenté au service de renseignement britannique sous le nom de Joseph Mercier. Mais dans la poignée de sa valise, il dissimulait sa carte d'identité coupée en plusieurs morceaux. Alors, son vrai nom? Eh bien, Jean Moulin, ancien préfet de Chartres. Un préfet un peu rouge, selon Passy. Radical socialiste par tradition familiale, il a également travaillé un temps auprès du ministère du Front Populaire, Pierre Cotte. Et durant la guerre d'Espagne, il a secrètement manœuvré pour livrer des armes aux républicains. Ce qu'on sait également, c'est que lorsque les Allemands sont arrivés à Chartres, la préfecture du département dont il était préfet, ils ont voulu lui faire signer un document compromettant l'honneur de l'armée française. Eh bien, il a refusé. Passé à tabac, déterminé à ne rien céder, il a tenté de se suicider lors d'une nuit en cellule. Bref, un homme de caractère, de conviction, ça paraît clair. Et en tout cas, un opposant à Pétain, puisque dans les mois qui ont suivi, Moulin a été révoqué par Vichy. Voilà qui est encore plus clair sur le profil du bonhomme. Dans le couloir où il attend l'audience, Jean Moulin s'interroge. Sportif, la quarantaine naissante, il est arrivé à Londres 5 jours plus tôt. Dès sa révocation, il a eu l'idée d'utiliser ses réseaux et son savoir-faire de préfet pour enquêter de part et d'autre de la ligne de démarcation qui coupe la France en deux. La résistance intérieure est encore dans les limbes et le manque de moyens. Beaucoup de Français sont encore hypnotisés par Pétain et se persuadent que sous couvert de la collaboration, ils travaillent en secret contre l'Allemagne et préparent la revanche. Mais tous n'y croient pas, dont Moulin, qui veut servir de trait d'union entre ses hommes et Londres où se trouve l'argent et les moyens. Mais que veut ce De Gaulle que Vichy surnomme le général Micro? Est-il vraiment républicain? En France, certains le disent entouré de fascistes et de cagoulards. N'a-t-il pas adopté la devise des drapeaux militaires « honneur et patrie » plutôt que celle de la République « liberté, égalité, fraternité » Bref, Jean Moulin est encore perplexe, comme le rappelle celui qui deviendra plus tard son secrétaire dans la clandestinité, Daniel Cordier. Jean Moulin, qui apporte au général une caution républicaine et une caution d'homme de gauche, n'est pas prêt à s'engager les yeux fermés à ses côtés. Il veut avoir des garanties sur les buts démocratiques de l'entreprise du général de Gaulle. Et c'est pour ça que son rapport est adressé aux autorités anglaises et au général de Gaulle, car il n'a pas encore choisi lequel des deux il retiendra comme interlocuteur pour aider matériellement la résistance. Dans le secret de Carlton Gardens, l'homme de gauche et le militaire conservateur se rencontrent enfin. Tout semble les opposer, c'est vrai, hormis le refus de la défaite. Mais que se sont-ils dit? Nul ne le saura jamais. Est-ce la complicité de deux rebelles solitaires qui s'est enclenchée spontanément, immédiatement? Moulin perçoit-il le génie politique du général? Celui-ci pressent-il l'autorité et l'intelligence tactique du jeune préfet? Que de questions. Toujours est-il que les deux hommes, manifestement, se sont reconnus. Quelques jours seulement après leur rencontre, le 11 novembre 1941, le général de Gaulle prononce un discours officiel dans lequel, et pour la première fois, il reprend ostensiblement la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Puis, alors que Noël approche, il adresse aux enfants de la France occupée un bien mystérieux message. Chers enfants de France, je vais vous faire une promesse de Noël. Vous recevrez bientôt une visite de la victoire. Ah, comme elle sera belle, vous verrez. Et dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942, Jean Moulin s'envole pour la France, porteur d'un ordre de mission signé du général. Ah, Le 2 janvier 1942, vers 3h30 du matin, ce n'est plus Jean Moulin, le messager de la résistance, qui saute d'un bombardier Whitley de la Royal Air Force au-dessus des Alpes. Non, c'est Rex, désormais délégué officiel de la France libre pour la zone non occupée. La mission de Rex se résume en 3 points. Intensifier les opérations de propagande, travailler à l'unification des mouvements de résistance et organiser la séparation de l'action politique et de l'action militaire. La mission est complexe, mais Rex, Jean Moulin, sait déjà par quoi commencer. À l'été 41, avant son départ pour Londres, il avait rencontré 2 hommes dont les mouvements prometteurs et respectifs commençaient à prendre forme autour de journaux clandestins. François de Menton tout d'abord, un démocrate chrétien, et surtout Henri Freinet, un officier en rupture de l'armée française, oscillant entre sa culture droitière, héritée de sa famille, et l'influence progressiste de sa maîtresse Bertie Albrecht, résistante. Persuasif, talentueux, déterminé, intelligent, Freinet a déjà mis sur pied une organisation avec des secteurs et des groupes d'action. Alors Moulin n'a aucune hésitation, c'est avec des hommes comme lui qu'il faut travailler. Les retrouvailles ont lieu dans une petite cuisine de la rue Kléber à Marseille. Pour les résistants, c'est une surprise totale, car aucun d'entre eux n'avait misé sur le retour de cet homme rencontré à l'été précédent et qui prétendait les mettre en contact avec Londres. Certains, d'ailleurs, n'avaient vu en lui qu'un beau parleur. Mais au-delà de la surprise, pour ces femmes et ces hommes isolés à qui la clandestinité promet chaque jour 1000 dangers mortels, le retour de Jean Moulin allume une nouvelle lueur d'espoir. Comme en témoigne Henri Freinet en 1973, dans l'émission de Bernard Pivot, ouvrez les guillemets. Je suis arrivé dans cette cuisine accompagné de mon vieux camarade Bertin Chevance. Et nous avons rencontré Jean Moulin avec l'émotion, vous pouvez deviner, c'était le premier contact avec ce monde extraordinaire et inconnu qui était l'Angleterre en guerre. Nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. Et à ce moment-là, il a sorti de sa poche une boîte d'allumettes. Et de cette boîte d'allumettes, il a sorti de tout petits papiers. C'était des microfilms. Et il y avait, en bas du premier papier, une signature un peu longue. Je ne la connaissais pas. C'était C. de Gaulle. Charles de Gaulle, c'était son ordre de mission. L'émotion est tout aussi grande lorsque Jean Moulin dépose sur la table une somme d'argent conséquente, 250 000 francs. Les résistants n'en ont jamais vu autant. Jusque-là, ils n'avaient pu financer leurs actions que grâce aux aumônes dispensées par leurs amis ou par quelques relations acquises à la cause. Mais désormais, Londres leur apporte le nerf de la guerre. Ajoutons à cela des communications par radio et peut-être bientôt des armes. Et le tableau sera parfait. Sans compter que Freinet également est porteur de bonnes nouvelles. Pendant que Moulin se rendait à Londres, François de Menton et lui-même ont fusionné leurs 2 mouvements. Désormais, ils ne font plus qu'un donc, et ils s'appellent Combat. Autre bonne nouvelle, Moulin sera bientôt mis en contact avec 2 autres mouvements qui s'affirment au travers de leurs publications, Libération, dirigée par Emmanuel Dastier de la Vigerie, et Franc-Tireur, piloté par Jean-Pierre Lévy. Il y a pourtant une petite ombre au tableau. L'ordre de mission signé par de Gaulle ne se limite pas à des encouragements fraternels. Et là encore, Henri Freinet en témoigne. Ce qui nous a fait moins plaisir, c'est qu'il y avait en plus dans les microfilms des instructions qui étaient, à vrai dire, des ordres. Nous ne nous considérons pas comme aux ordres. Il y avait 18 mois qu'on travaillait seul, avec nos propres ressources, en inventant nos méthodes, en inventant nos formes d'organisation, en recrutant nos hommes. Nous avions quand même droit au chapitre. Malgré ce petit accroc, les mouvements acceptent de faire allégeance à De Gaulle. Et dès janvier 1942, Libération salue le grand chef français. Tandis que Franc-Tireur admet qu'il est le seul qualifié pour assurer avec le gouvernement provisoire la pérennité de l'État. La mission Rex semble donc partir sur 2 bonnes bases. Mais Jean Moulin va voir bientôt qu'il n'est pas au bout de ses peines. Du firmament, les yeux pleins de lumière et sans nulle manière. Dans le matin serein d'une journée sans fin, calmement décollait c'était encore la paix. Au bar de l'Estadrille, parmi les rireux et les trieux, ils fêtaient leur champion au retour des missions. Tous les dangers du ciel leur semblaient irréels. Les filles bien plus belles et plus fortes leurs ailes. Mais hélas, un matin, la vraie guerre survint. Leurs rires se figèrent et leurs traits se crispèrent. Sous le ciel tout en feu, quel combat valeureux! Les avions qui flambaient, les balles qui fauchaient. Au bar de l'Escadrille, fini les rires et les drieux, on comptait les absents. Tombait si crânement, une immense douleur leur déchirait le cœur. Les filles étaient moins belles et moins fortes leurs ailes. Ce fut le calme enfin et puis le grand chagrin. Les carlingues blessées, les ailes transpercées. On pleure les amis à tout jamais partis, en se disant déjà du grand jour qui viendra. Au bar de l'Escadrille, revivront les rires et les drilles pendant le ciel plus beau d'un monde enfin nouveau. Les avions de demain pour le bonheur humain dans la paix éternelle seront frémir leurs ailes. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Juillet 1942. De part et d'autre de la ligne de démarcation qui coupe la France en deux, les résistants sont traqués. La Gestapo sévit au nord et la police de Vichy au sud. Quand il déjeune au Garé, un petit bouchon du quartier de l'Opéra à Lyon, Jean Moulin s'installe toujours à la première table, à droite, face à la fenêtre. On voit mieux arriver le danger, et c'est l'endroit le plus sûr pour fuir en cas de descente de police. En face de lui, ce jour-là, se tient Daniel Cordier, 22 ans, parachuté depuis quelques jours à peine. Après 2 ans passés à Londres, il enfourne une bonne saucisse aux lentilles, comme s'il en avait oublié le goût. Moulin a décidé d'en faire son secrétaire, et lui résume ce qu'est sa mission. Sur le plan de l'action, il y a de bons résultats. Une logistique efficace est mise en place avec des ramifications de la zone sud. Une agence de presse clandestine, un service de transmission radio, un service de transport et de parachutage. Et c'est à combat que l'on doit l'idée de noyauter des administrations pour obtenir des complicités dans la fonction publique. Un comité s'occupe même de préparer l'après-guerre sur le plan politique et administratif. Cela deviendra la grande œuvre du CNR, Conseil National de la Résistance, pas encore né à ce stade de notre histoire. Et les chefs des mouvements, comme les militants de la base, voient maintenant les résultats qu'apporte la coordination avec Londres. L'argent, bien sûr, les parachutages, mais aussi l'impact de la propagande. Quelques jours avant l'arrivée de Cordier, par exemple, le 1er mai et le 14 juillet, grâce aux demandes transmises par Moulin à la radio de Londres, les Français ont été encouragés à manifester. L'opération a été un succès, comme Lucie Aubrac du mouvement Libération Sud le raconte 40 ans plus tard. Si nous avions vu, nous, à Lyon, une manifestation très importante, il y en avait une à Toulouse, il y en avait une à Bordeaux, il y en avait à Limoges, il y en avait à Grenoble, il y en avait à Marseille. Et pareil, les gens des autres villes ont vu ça. Et pour nous, résistants, ça a été très important, parce qu'on a découvert des visages à qui on n'aurait jamais pensé de demander d'être avec nous. Par exemple, moi, j'ai vu à ce moment-là que les 2 épiciers que je fréquentais étaient là, dans la rue, avec leurs gosses à la main. Bon, ben le lendemain, mes fausses cartes d'alimentation, c'est chez elles que je les ai emmenées, et elles ont été honorées. Jean Moulin est ravi. Les Français se réveillent, enfin. Il faut dire que chaque jour, il découvre un peu plus le vrai visage de la collaboration et de Pétain. Laval, chef du gouvernement de Vichy, n'a-t-il pas souhaité la victoire de l'Allemagne? La police de Vichy, qui aide désormais à rafler des Juifs, vaut-elle mieux que la Gestapo nazie? Quoi qu'il en soit, quelque chose est en train de se passer. Un peu comme sur le terrain de la guerre, d'ailleurs. Il y a eu la défaite des Allemands en Afrique du Nord, il y a maintenant Stalingrad, encore plus grave. C'est un tournant de la guerre, au dépens des terres. Mais les différents mouvements de la résistance donnent du fil à retordre, un moulin. Les désaccords pèsent lourd, car tous n'ont pas la même vision de l'action clandestine. Et la guerre des égaux fait rage. Accorder des hommes comme Freinet et d'Astier de la Vigerie, par exemple, relève de l'exploit. Il suffit d'écouter la description qu'en fait Lucie Aubrac pour s'en convaincre. Dans un certain sens, c'est un peu vrai à cause de leurs origines. Freinet est maniaque de l'organisation, d'Astier anarchique. Freinet est un militaire, un homme des services spéciaux de l'armée traditionnelle, pour qui l'organigramme est la Bible. Pour d'Astier et pour les universitaires et même les militants syndicalistes et socialistes et communistes qui étaient autour de lui, l'essentiel, c'était le contact. D'où probablement plus de risques pris dans le mouvement Libération. Et finalement, ça s'est traduit par moins d'arrestations qu'un combat. Dans cette ambiance parfois conflictuelle que les risques mortels de la clandestinité exacerbent, l'unification de la résistance est encore problématique. Les mouvements sont sourcilleux de leur autonomie. Mais surtout, il y a un dossier qui sème la discorde, la question de l'armée secrète. Un dossier dont Jean Moulin ne se doute pas encore qu'il aura des conséquences terribles sur son propre destin. À la mi-42, l'un des points sur lequel achoppe la fusion que Moulin est chargé d'encourager, c'est la question paramilitaire. La vision stratégique de Londres et de ses alliés, et celle de la résistance intérieure, divergent. Depuis que les Allemands ont attaqué les Russes, les résistants communistes préconisent la lutte armée clandestine. Ils sont décidés à frapper immédiatement, au risque d'enclencher de terribles représailles. Par ailleurs, ils prônent une insurrection nationale que la France libre et les alliés récusent. L'option est dangereuse, comme l'expliquera plus tard le colonel Passy. Notre conception était que la France ne pouvait pas se libérer tout seule, qu'elle avait besoin de ses alliés, que nous étions là pour les aider à libérer notre propre territoire, et par conséquent que nous essayions de monter un certain nombre d'actions qui avaient pour but, au jour du débarquement, c'était ça notre mission fondamentale, de faire sortir des éléments paramilitaires qu'on pouvait armer de ces mouvements de résistance pour en faire une armée secrète organisée, suivant les méthodes très françaises de hiérarchie, avec des régions, des sous-régions, des subdivisions, etc., aller couper les voies de chemin de fer, aller ralentir les concentrations ennemies sur la tête de pont qui aurait pu être faite, aller faire sauter un certain nombre d'objectifs qui ralentiraient l'ennemi dans son effort. Et plus il y aurait eu de tapage en France, ou de remue-ménage en France, plus il y aurait eu d'armées allemandes qui auraient été ici, et plus le débarquement aurait été difficile, sinon impossible. L'armée secrète. C'est Freinet le premier qui en a jeté les bases. L'idée est de grouper des volontaires pour agir militairement, on l'aura compris. La résistance a organisé la zone sud par région, et dans son sillage, l'armée secrète pourrait compter sur plusieurs milliers d'hommes. Les armées, c'est le rôle de Londres. Mais d'Astier, Lévy et Freinet veulent garder le contrôle des troupes. Freinet ne serait pas hostile à une fusion des effectifs, mais fort de l'importance de combat et de son statut de militaire, il revendique le commandement de l'armée des ombres. D'Astier et Lévy, eux, ne veulent ni de la fusion ni de l'option, Freinet. Alors, à l'automne 42, Jean Moulin agite la menace des subsides pour obliger au compromis. Autrement dit, si les mouvements veulent continuer à recevoir de l'argent, ils doivent accepter le principe d'une armée secrète commune, confiée à une personnalité neutre. Moulin propose un nom d'ailleurs, le général de Lestrin, alias Vidal. Le principe est finalement accepté, et Rex marque un point. Mais les tensions deviennent de plus en plus fortes, comme le suggère Yves Boissé dans le téléfilm Jean Moulin, où il relate justement cet épisode. Charles Berling interprète Jean Moulin, et c'est Bernard-Pierre Donadieu qui joue le rôle d'Henri Freinet. Il y a un certain paradoxe, mon cher Rex, à critiquer la cagoule d'un côté et à prendre la défense d'un apprenti dictateur qui prétend régenter l'ensemble de la résistance intérieure alors que personne ne lui a rien demandé. La France a besoin d'un chef. Citez-moi un autre que De Gaulle. Est-ce que oui ou non vous êtes d'accord pour que nous regroupions tous les principaux mouvements de la zone sud? Oui. à condition que je sois responsable du volant militaire. Mais Vidal resterait le chef de l'armée secrète. Un vieux général incapable. Puisque vous y tenez. Jean Moulin sait qu'un grand pas vient d'être franchi. En acceptant le principe de cette armée secrète, Freinet et les autres acceptent de facto une première organisation commune. C'est donc un pas vers l'unification. Et le 26 septembre 1942, Freinet et d'Astier partent clandestinement pour Londres pour régler les derniers points au suspens. Mais dans son fort intérieur, Freinet n'a pas abandonné l'idée de garder la main sur les décisions militaires. Après plusieurs jours de tractation avec l'état-major de la France libre, un comité de coordination est décidé pour synchroniser l'action entre les mouvements. Freinet, obstiné, obtient d'être associé à Delestraint à la tête de l'armée secrète en tant que délégué général. Bien. L'ambiance est courtoise, mais malgré les progrès accomplis, chacun admet qu'entre la résistance extérieure et la résistance intérieure, les divergences de vues subsistent, comme le raconte Claude Bourdet, alors responsable politique de combat. Il était difficile de voir les choses autrement quand on était à Londres, et il était impossible de les voir autrement quand on était chez nous. Le malheur, c'est que de Gaulle ne voulait concéder à personne aucune parcelle de la légitimité française qui lui appartenait entièrement. Eh bien, il était obligé d'une certaine manière de partager avec la résistance et ne pouvait concevoir autre chose que des soldats obéissants et pas des alliés, ce que nous étions. Autour de l'unification de la résistance, c'est un duel persistant qui s'est installé entre de Gaulle et Jean Moulin d'une part et les mouvements de l'autre. À la veille de leur retour en France, Freinet et d'Astier sont invités à la table du général au restaurant Le Savoie. Il y a là Passy et Pierre Brossolette qui sera bientôt parachuté pour prolonger le travail de Jean Moulin avec les mouvements de la zone nord. Entre de Gaulle et Henri Freinet, il y a une tension palpable que le chef de combat expliquera plus tard dans son livre intitulé « La nuit finira ». Mon général, l'action que nous menons en France a deux aspects indissociables mais de nature différente. Dans l'armée secrète, nous sommes des soldats. Nos tâches, lors du débarquement, seront fixées par l'état-major interallié et par vous-même. Et cela va sans dire, nous obéirons. Par ailleurs, nous sommes des citoyens libres de leurs pensées et de leurs actes. Dans ce domaine, nous obéirons ou nous n'obéirons pas. Le général reste quelques instants silencieux, puis me regardant. Eh bien, Freinet, la France choisira entre vous et moi. En réalité, ce qui différencie la vision des résistants à celle de Gaulle, c'est que le général, lui, a un œil sur la géopolitique et les horizons lointains de l'histoire qui souvent montrent un chemin. Justement, en cette fin de 1942, l'histoire va frapper à la porte. Écoutez bien, voici une nouvelle d'une extrême importance. Un corps expéditionnaire américain a débarqué sur les côtes de l'Afrique du Nord. Le 8 novembre 1942, les Alliés débarquent en effet au Maroc et en Algérie, et après de brefs combats, les autorités de Vichy en Afrique du Nord s'inclinent. Un nouveau souffle pour la résistance française, pas si sûr. D'abord, en réaction à ce débarquement, les Allemands envahissent la zone sud, en France. Quant au président américain Roosevelt, plutôt que de dialoguer avec la France libre, désormais baptisée France combattante, il choisit de s'entendre à Alger avec les hommes de Vichy, comme l'explique le colonel Passy. Les Américains avaient une haine particulière de De Gaulle. D'abord à cause de la personnalité du général, personnalité elle-même qui n'était pas toujours très gracieuse. Deuxièmement, parce que les Américains, et en particulier Roosevelt, considéraient qu'il y avait un danger que De Gaulle fût ce qu'il appelait un puppet entre les mains de Churchill. Et par conséquent, si nous revenons à novembre 1942, à partir du moment où Roosevelt a choisi l'expédient provisoire qui était Darlan, c'était en Afrique du Nord la continuation du régime de Vichy. L'assassinat de Darlan en décembre 1942 n'a pas modifié très profondément les conditions du problème, Giraud se révélant comme le successeur en réalité de Darlan et comme tout de même relevant du maréchal Pétain, étant la continuation du maréchal Pétain. La France de l'après-guerre sera-t-elle toujours vichyste? Pétain se maintiendra-t-il au pouvoir après la libération? Jean Moulin sait que la résistance intérieure court un danger mortel. Et bien qu'il ait obtenu dès le 26 janvier 43 la fédération des trois grands mouvements de la zone sud, il sait qu'une unification plus vaste avec les mouvements de la zone nord ne suffira pas à imposer la France combattante aux alliés, qui lui préfèrent Giraud, qui veulent forcer de Gaulle à leur allié. Pour faire pression, ils ont réduit les sommes allouées à la résistance, comme le confirme Alphonse Bouzat, à l'époque chef d'un secteur de combat vers Montpellier. Donc nous nous sommes trouvés à ce moment-là avec un certain nombre de jeunes. Nous avions décidé de les installer là, dans des fermes abandonnées, perdues dans la forêt. Début 43. Et petit à petit, on a essayé de leur donner ce qu'il fallait à la fois pour vivre, subsister, se préparer peut-être à se battre. Et là, je leur avais amené les quelques armes que j'avais pu récupérer à Montpellier, qui consistaient surtout dans des pistolets et un pistolet mitrailleur que j'avais acheté avec les fonds de la résistance à une bande de truands de Montpellier. Ils me l'avaient fait payer fort cher. Pour couronner le tout, Jean Moulin découvrira bientôt que Fred et certains membres de combat ont noué des contacts en Suisse avec l'OSS, les services secrets américains, trop heureux de proposer des fonds en échange de renseignements. La situation est explosive. Mais Moulin a encore un espoir, une solution qui va provoquer un nouveau séisme, mais c'est la seule issue. Le 20 mars 1943, Moulin revient de Londres où il a convaincu le général de Gaulle. Puisque les alliés refusent d'admettre sa légitimité, il faut réintégrer les anciens partis dans le jeu et les associer à la France combattante et à la résistance intérieure. Il suffirait pour cela de créer un conseil national de la résistance qui comprendrait également des représentants des anciens partis et des anciens syndicats pour tordre le bras aux Américains. Cette thèse, il l'avait exposée à Claude Bourdet, qui s'en souvient. Je me souviens d'une longue conversation qu'on a eue en se promenant sur les bords de la Saône, dans laquelle il nous a dit « Mais oui, mais vous, qu'est-ce que c'est ? Personne ne le sait à l'étranger. Les Américains, les Anglais, la résistance, il y en a combien ? Il y en a 100 000 ou il y en a 2 000 ? On n'en sait rien. On ne peut pas le prouver. Tandis que si les personnalités politiques du genre Louis Marin, etc., hommes politiques de droite d'avant la guerre, soutiennent De Gaulle, les Américains et les Anglais se diront « Ah oui, mais alors il a la France derrière lui ». Le problème, c'est que les partis politiques se sont totalement discrédités en 1940 en votant les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Les résistants ne leur ont pas pardonné. De plus, certains comme Freinet envisagent de créer un parti de la résistance après la guerre. C'est pas pour ressusciter les anciennes formations politiques. Alors, à son retour, Moulin organise une réunion avec les mouvements désormais unis en zone sud. Il apporte un rappel à l'ordre pour combat ainsi que l'assentiment de Londres à son nouveau projet. Cette fois, l'affrontement avec Freinet est inévitable. Yves Boisset en fait la reconstitution dans son téléfilm sur Jean Moulin. Si combat poursuit ses contacts avec les Américains, je réduirai la somme qui vous est allouée. C'est-à-dire ? 3 millions au lieu de 5. J'ai aussi pour mission de créer le Conseil national de la résistance, dont je serai le président, et qui comprendra bien évidemment les représentants des mouvements de résistance, mais aussi ceux des partis politiques. Il s'agit de ressusciter la représentation nationale. C'est inacceptable. Jamais je ne siégerai à votre conseil. Nous tous ici, nous venons plus que tous ces politicards de la Troisième République qui nous ont conduits là où nous en sommes. C'est un point de vue que je ne partage pas, le général de Gaulle non plus. Foutez-nous la paix avec votre grand homme. Vous ferez ce que le général de Gaulle vous ordonnera de faire. Jusqu'au jour où je vous ferai virer. Ce projet de conseil national de la résistance inquiète certains, dont les membres de combat. Mais Freinet n'est pas le seul à le décider pour les mouvements. D'autant que, pour prendre tout le monde de court, les services de la France combattante font aussitôt fuiter un message qui annonce la création de cette instance avant même qu'elle ne tienne sa première réunion. Un CNR uni derrière De Gaulle et comprenant les mouvements, les syndicats et les partis. Deux jours plus tard, Giraud et les Américains s'inclinent, Jean Moulin a gagné, De Gaulle représente enfin une résistance unie. La suite, on la connaît. Le 6 juin 44, le débarquement allié en Normandie annonce le début de la fin pour les nazis. Et à la libération de Paris, c'est le général de Gaulle qui défile sur les Champs-Élysées, tandis que la France démocratique renaît. Jean Moulin ne verra pas son œuvre s'accomplir. Arrêté par la Gestapo le 21 juin 1943, il meurt quelques semaines plus tard sous la torture, sans avoir parlé. Plus tard, lorsque ne subsista plus que des querelles intestines qu'un lointain souvenir, ses compagnons prendront la mesure du travail qu'il avait accompli et des perspectives qui le guidaient. Ainsi, Emmanuel d'Astier de la Vigerie lui rendait-il hommage le 18 décembre 1964 sur les ondes de l'ERTF. Nous n'avions pas vu ces perspectives. Il les avait peut-être plus fortement que les avait le général de Gaulle lui-même. Mais je l'ai déjà dit, peut-être était le seul d'entre nous tous qui avait le sens et les qualités d'un véritable homme d'État. Le lendemain de cet hommage, sous le regard pensif du général de Gaulle, Jean Moulin entrait au Panthéon. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nous tous et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Jean Moulin, la Résistance, dont nous allons parler avec Olivier Wieworka, notre invité. Bonjour. Bonjour. Professeur à l'École Normale Supérieure à Paris-Saclay, vous êtes l'un des grands spécialistes de la Seconde Guerre mondiale. À l'issue de ce récit, on pense une nouvelle fois que la grande œuvre de la Résistance est d'avoir résisté, bien sûr, mais d'avoir réussi à s'entendre. C'était pas gagné d'avance. Non, vous avez entièrement raison. On peut dire que de ce point de vue, la France est une exception en Europe. Parce que cette entente entre la résistance intérieure et, pour aller vite, la résistance extérieure, ou les gouvernements en exil, qui souvent étaient à Londres, eh bien cette entente, elle a été souvent difficile et parfois très très conflictuelle, comme le montrent certains exemples, je pense bien sûr à la Grèce ou à la Yougoslavie. Et alors en France, est-ce que c'est finalement à quoi est-ce dû ce succès de l'unification? La personnalité de Jean Moulin, probablement, j'imagine que ça n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui a fait que tout ça a réussi à s'assembler? Alors, je pense que l'unification, elle a été due peut-être d'abord et avant tout au général de Gaulle. Et le général de Gaulle a des atouts que beaucoup de personnes n'ont pas. Je m'explique. Le général de Gaulle, d'abord, a une position morale qui est absolument inattaquable. Il n'a jamais pactisé avec Vichy. D'autre part, le général de Gaulle est un homme neuf. Bon, il a été brièvement ministre, mais voilà, ce n'est pas un homme usé. Or, lorsque vous regardez, par exemple, les gouvernements en exil, je pense par exemple au gouvernement belge de Pierre Loh, ou au gouvernement néerlandais ou norvégien, eh bien, ce sont des hommes qui incarnent ce qu'on appellerait les anciens temps ou l'ancien régime, ce qui n'est pas le cas du général de Gaulle. C'est un homme neuf qui ne s'est pas compromis et qui a quand même, si vous voulez, une vision du conflit mondial. C'est un grand bonhomme. Et donc, du coup, il peut effectivement apparaître à minima comme un symbole et sans doute aussi comme un chef, ce qui est beaucoup plus difficile pour les autres pays d'Europe, les autres personnes qui essayent d'incarner cette résistance. Donc c'est le leadership, le magistère moral finalement du général de Gaulle qui a permis au fond du fond d'arriver à cette réunification. Alors, il y a le magistère moral, mais il ne faut pas avoir la naïveté de penser qu'il n'y a que le magistère moral. Bien sûr. Deux éléments qui jouent. Hein. Le premier élément, c'est que le général de Gaulle a des moyens et les concentre. Ces moyens, c'est notamment l'argent. Mmh. Et l'autre élément qui joue, c'est le talent politique. De Gaulle peut être maladroit parfois, et c'est ce que dit d'ailleurs dans votre archive, dans votre son, le colonel Passy. Hein. Je ne crois pas qu'il ait été très habile avec les Américains, il n'a pas su les prendre, mais sinon il sait manœuvrer, et de ce point de vue, bien entendu, il va pouvoir marquer des points, et marquer des points contre ses opposants, et je pense naturellement au général Giraud. Alors, les Anglais, il y a le rôle des Anglais quand même très très important. Avaient-ils un ou plusieurs intérêts à empêcher le regroupement des mouvements de résistance en France, en pensant que peut-être tout ça allait complètement leur échapper, ou au contraire, le dessein des Anglais était-il que la réunification se fasse? Je dirais que les Anglais ne sont pas obsédés par la réunification, parce que la grande question qui intéresse les Anglais, ce sont les réseaux et non pas les mouvements. Les réseaux qui sont comme vous le savez, des organismes militaires qui commettent des sabotages, qui recueillent de l'information, du renseignement, qui éventuellement exfiltrent vers l'Angleterre les aviateurs qui sont tombés. Donc c'est ça qui intéresse les Britanniques. Les mouvements qui sont souvent plus politiques, qui créent des journaux, qui essayent d'agir sur l'opinion publique, même si bien entendu ils préparent l'armée secrète, ce n'est pas le cœur du problème des Britanniques. Donc, j'ai envie de dire que le fait que les mouvements s'unissent ou non est secondaire pour les Britanniques. Mmh. En revanche, ce qui n'est pas secondaire pour eux, c'est le fait qu'il y ait une unification de la résistance, mais surtout une unification pyramidale. C'est-à-dire les Britanniques qui sont absolument hostiles. Car quand Moulin revient en France, et donc en 1942, il va devenir en quelque sorte le super-chef de la résistance, il a créé une organisation en quelque sorte pyramidale. Et la grande inquiétude des Britanniques, et c'est ce pourquoi ils se battent, c'est que si jamais Moulin tombe, oui, et si jamais de l'Escrin tombe, eh bien toute l'organisation de la résistance va s'effondrer et risque de compromettre l'aide que cette résistance peut apporter aux troupes alliées au moment du débarquement. Donc toute l'ambition des Britanniques va être d'imposer au général de Gaulle une organisation décentralisée de la résistance, par région, par conséquent, qui serait capable de communiquer directement avec Londres, d'accord, oui, en lieu et place de cette organisation centralisée que Moulin et de Gaulle ont défendue. Bien entendu, là, il y a une idée de Londres, c'est d'éviter, je l'ai dit, cet effondrement, mais l'autre idée, c'est aussi d'éviter d'être obligé de passer par de Gaulle pour donner des ordres à la résistance. On va pouvoir directement donner des ordres aux maquisards bretons, aux maquisards normands, aux maquisards provençaux, sans passer par l'échelon central qu'est le général de Gaulle. Est-ce que le rôle du SO, service d'opération spécial, qui a été tellement important, tellement efficace à travers toute l'Europe, je pense notamment à l'assassinat du gouverneur nazi de Prague, Heydrich, par des partisans tchécoslovaques, absolument, mais encadré par le SOE, est-ce que le SOE a eu un rôle aussi important en France qu'ailleurs? Alors, le SOE a eu un rôle à la fois important et à la fois pas important. Le SOE a un rôle moins important que dans certains pays européens, pour une raison très simple, c'est qu'il y a des réseaux qui sont organisés par les services spéciaux du colonel Passy, et ces réseaux sont puissants, et il y a en France des mouvements, et des mouvements qui sont puissants. Donc le SOE n'a pas les coudées franches, et il a d'autant moins les coudées franches que, avant la guerre, les espions britanniques sont rares en France, puisque la France est un pays allié. Donc il n'y a pas, si vous voulez, d'organisation stay behind. Ils n'ont rien prévu en cas d'effondrement de la France. Donc de ce point de vue, ils sont un peu handicapés. Là où le SOE est puissant, c'est que c'est quand même lui qui dispense l'envoi de matériel. De Gaulle n'a pas d'avion. Ce que je veux dire, c'est quand on dit oui, il faut parachuter des armes, etc. Tout passe par le SOE. Donc là, le SOE a un pouvoir absolument énorme. Olivier Liorca, on se retrouve dans 2 minutes et demie, le temps d'écouter Maurice Chevalier, Notre Espoir. l'amour. J'ai chanté, y a de la joie, sans grande joie pourtant. Chantonnais donc un petit air à pleine voix, l'air fut étouffant. Désormais, quels seront donc les pauvres mots sur les chansons gaies que pour vous on invente? On osera placer et sans hésiter trop, pour ne pas me tromper, moi voilà ce que je chante. Tra la la la la la, tra la la la la la, et tim pa poum pa la, tim pa poum pa la, avec un ou deux petits hop là hop là. Si vous voulez savoir ce que mon cœur pense ce soir en chantant comme ça, tim pa poum pa la, c'est notre espoir. En somme, l'important c'était de recommencer, qu'importe l'expression. L'essentiel était de pouvoir dispenser du rêve en chanson. Un poète aurait trouvé les mots qu'il faut, qui aurait rimé ses voeux d'espérance. Moi, mon espoir, c'est que le ciel redevienne beau et qu'on chante en paix dans notre vieille France. Tra la la la la la, tra la la la la la, et tim pa poum pa la, et tim pa poum pa la, avec un ou deux petits hop là hop là. Si vous voulez savoir ce que mon cœur pense ce soir en chantant comme ça, et tim pa poum pa la, c'est notre espoir. C'est moi qui fais ça. Ce que joue comme ça, cet orchestre-là, c'est notre espoir. Espoir. Ah, les tralala et les lalalaire et le ciel redevenu beau, ça arrivera plus tard, 45, non, oui. Il a fallu les passer ces 5 ans-là. Justement, la résistance, est-ce qu'elle se met en place, je repars un peu en arrière, mais est-ce qu'elle se met en place immédiatement avec le début de la guerre? Ou est-ce qu'il y a en France un sentiment selon lequel, et Pétain le disait lui-même, faisait croire que, bon... Voilà, il voulait pas mettre de l'huile sur le feu, mais que ça se finirait pas comme ça, qu'il y aura pas la collaboration. Enfin, est-ce que la résistance s'enclenche tout de suite? Alors, vous avez une résistance qui s'enclenche tout de suite, c'est-à-dire que dès 1940, vous avez des Françaises et des Françaises qui veulent faire quelque chose. On connaît l'exemple le plus célèbre, qui est celui d'Edmond Michelet, un démocrate chrétien qui, à Brive, diffuse un tract en disant qu'il ne faut pas se rendre. Donc, vous avez des militaires qui vont cacher des armes, vous avez des hommes et des femmes qui vont essayer de créer des réseaux. Vous avez donc cette ébullition, mais c'est une ébullition, bien évidemment, extrêmement modeste. Hein. C'est-à-dire qu'on a quoi? On a quelques centaines, quelques milliers de résistants, peut-être en 1940. On n'a pas, certainement pas, les communistes qui sont ligotés par le pacte germano-soviétique. Hein. Donc les communistes vont entrer dans la résistance beaucoup plus tard, dans la résistance contre les Allemands. Ouais. Et donc cette résistance qui est embryonnaire, je crois qu'il faut dire deux choses. Le premier élément, c'est que elle ne se crée pas à l'appel du général de Gaulle. Ce n'est pas parce que soudain, si vous voulez, des Françaises et des Français ont écouté l'appel du 18 juin qu'ils sont touchés par la grâce. Donc non, au contraire, vous avez une réaction au fond de la société civile qui, dans ses profondeurs, va réagir à Vichy et ou à l'occupation. Et d'autre part, cette résistance, au fur et à mesure, va gagner en épaisseur, va croître. Mais au départ, elle est embryonnaire, donc elle existe, mais elle est faible. Alors arrive, on reparle maintenant vers l'avant, au milieu de la guerre arrive donc la création du Conseil National de la Résistance. Alors c'est évidemment la grande œuvre organisationnelle de la Résistance, mais pas seulement, parce que le CNR, on en reparlera demain, ce sera notre émission de demain, ce sera d'ailleurs une rediffusion, parce que nous avions parlé de ce moment très important il y a quelques années dans Affaires Sensibles, et ça va s'inclure dans cette semaine-là. On est bien d'accord, Olivier Vivarca, le CNR, qui prépare la France d'après et son modèle social, normalement, et notamment, c'est-à-dire à la fois, on organise la résistance contre l'ennemi envahisseur et on pense à la France du lendemain et on y pense tellement intelligemment. C'est la grande œuvre de la résistance au CNR, non ? Alors, vous avez entièrement raison, mais il faut bien distinguer, deux périodes dans le CNR. Il y a une période Moulin, qui est très brève, 27 mai 1943, 21 juin 1943, et donc c'est le moment où le CNR se met en place. À ce moment-là, il n'est absolument pas question, si vous voulez, d'élaborer un programme. C'est au plus pressé. Qui siègent au CNR, faites-nous un programme. Donc l'idée, c'est bien d'essayer de créer, d'une part, une assemblée représentative, et c'est pour cette raison que vous avez les partis et les syndicats et les mouvements de résistance, pour donner à De Gaulle une légitimité. Et l'autre idée, c'est éventuellement, à partir de ce CNR, de dégager une sorte de bureau qui serait en mesure de commander la résistance, bureau dans lequel les partis politiques ne siégeraient pas. C'est ça l'idée de Moulin. Une fois que Moulin, si vous voulez, va être arrêté, torturé et disparaître, on entre dans un CNR seconde manière, qui n'est plus du tout, au fond, aux mains des gaullistes. Il va être présidé par Georges Bidault, qui n'est pas hostile, bien entendu, aux gaullistes à l'époque, mais qui ne peut pas être considéré comme la courroie de transmission du général de Gaulle. Et dans ce CNR, le poids des éléments communistes et crypto-communistes va augmenter. Et c'est dans ce contexte, effectivement, qu'il va y avoir, dans le CNR, un programme qui va être rédigé et qui va être publié le 15 mars 1944, avec d'une part un programme d'action à court terme, c'est-à-dire les lignes d'action que la résistance doit suivre, et d'autre part des réformes à entreprendre. Mais on est beaucoup plus, si vous voulez, dans l'émanation d'une résistance métropolitaine que dans l'émanation d'une résistance qui mixerait des éléments de la résistance intérieure et des résistances et de la résistance extérieure. C'est très clair. Et le point, une autre logique. Absolument. Et, c'est très parfaitement clair. Et le point de bascule, c'est donc la mort de Moulin, entre le CNR qui combat, qui unifie la résistance, et un CNR qui pense à l'après. On est bien d'accord que la rupture, le point de bascule, oui, c'est... D'accord, très bien. Merci infiniment, Olivier Vivarca, pour tous vos éclairages sur cette période où vous êtes un spécialiste, je répète. Merci, au revoir. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Ah. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Jean Moulin, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de franceinter.fr pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, il y avait Pierre-Yves Derolin.